n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Nous continuons notre série sur les 7 péchés capitaux. Vendredi, nous avons parlé d'envie. Aujourd'hui, parlons de luxure. Continuez. Chérie, tu me donnes ta passion et je trouve ça fabuleux. Il n'y a pas que la fesse dans la vie, il y a le sexe aussi. On écoute Fruit de la passion de Francky Vincent et on entend ce moment voler à l'éternité. Il n'y a pas que la fesse dans la vie, il y a le sexe aussi. Voilà une vision bien luxueuse. La luxure, c'est la recherche déréglée des plaisirs sexuels et plus généralement, la prédominance accordée au plaisir de la chair. C'est la part animale dans tout ce que cette part a d'incontrôlable, mais aussi de fondamentalement dérangeant. C'est la domination sexuelle et le désir de possession, l'envie violente naturelle au détriment de l'envie domptée culturelle. Dans l'Antiquité grecque, la luxure est incarnée par les centaures, ces créatures étranges, mi-hommes, mi-chevaux, qui concrétisent justement cette part animale inavouable de l'homme. Pour s'en persuader, il faut aller voir à Lisbonne les Amours des centaures de Rubens, tableau qui représente deux couples de centaures, un au second plan fuyant, l'autre au premier plan. L'homme, le regard cupide et inquiet, attrape sauvagement le sein de la femme, dont la pose lascive et les joues roses font penser que la seule chose qui l'intéresse sur cette terre est de jouir sans entrave. À regarder le tableau trop longtemps, on finit presque par être mal à l'aise. La luxure effrénée met à nu, rompt avec tous les codes de la civilisation. Elle est manque de maîtrise de soi et du monde. Dans l'histoire des péchés capitaux au Moyen-Âge, Carla Casagrande et Silvana Vecchio expliquent que l'époque médiévale condamne la luxure en conservant la distinction antique entre noblesse de l'âme et impureté du corps. Pour Augustin, la punition divine est toute dans la honte éprouvée par Adam et Ève à la vue de leurs organes nus. Peu à peu, c'est plus le désordre lié à la sexualité que l'acte sexuel lui-même qui devient péché. Une transformation s'opère dans le vocabulaire. On parle alors de fornication, de fornix, édifice en forme d'arc près duquel se tenaient les prostituées. Pour Grégoire le Grand, la luxure englobe tous les excès liés au corps. La gourmandise n'est pas loin. La lèpre est par excellence le châtiment des luxurieux et sa contamination facile, par contact, même non coïtal, démontre bien sa nature luxurieuse. L'odeur du luxurieux est le signe de son péché, le témoignage de son animalité. Si la luxure est avant tout un péché terrible pour les moines et les prêtres qui font vœu de chasteté, elle touche aussi les laïcs lorsqu'elle est assimilée au vice altérant la raison. On condamne les pratiques jugées contre nature, la sodomie, le coït les jours interdits, lors des menstruations, lors de la grossesse ou pendant les jours de jeûne. On condamne aussi l'adultère, l'inceste, le stupre, la débauche. On dénonce également les romans courtois pour leur promotion du fol amour, cet oubli de soi qui est mis en valeur. La luxure est toujours affaire de duplicité, de mensonge à l'autre et de mensonge à soi-même. On pense aux Liaisons dangereuses de Chédarlos de Laclos et à sa magnifique adaptation cinématographique par Stéphane Frears. On pense surtout à cette scène mythique où Valmont écrit une lettre à la sainte Madame de Tourvel qu'il essaye de séduire en prenant appui sur les fesses nues de l'une de ses maîtresses. Bien chère Madame de Tourvel, si j'avais joui plus tôt, sans bouger, ai-je dit, de vos bons conseils, la tempête qui vient de m'assaillir aurait fait naître la trêve bénie qu'attend mon cœur. La table sur laquelle j'écris est mouillée par l'émotion que j'éprouve. Dans la littérature, les personnages libidineux ne manquent pas, mais il faut attendre Philippe Roth pour que le libidineux gagne ses lettres de noblesse. Ça sera Portnoy, l'enfant névrosé amoureux de sa mère, qui devient un jeune adulte totalement obsédé par le sexe. Extrait. Babalu, parle-moi, explique-moi, raconte-moi comment c'était quand elle te l'a fait. Il faut que je sache avec des détails exacts, et ses nichons, et ses tétasses, et ses cuisses. Qu'est-ce qu'elle fait avec ses cuisses, Babalu? Est-ce qu'elle te les enroule autour des fesses, comme dans les livres aux cochons, ou est-ce qu'elle te serre de toutes ses forces lapines jusqu'à ce que tu aies envie de crier comme dans mes rêves? Et ses poils qu'elle a là-bas, en bas du ventre? Raconte-moi tout sur les poils de son con, et sur l'odeur qu'ils ont. Ça m'est égal si je sais déjà tout. Et elle s'est vraiment mise à genoux, tu ne te fous pas de ma gueule, elle s'est vraiment agenouillée sur les deux genoux et ses dents, qu'est-ce qu'elle en a fait? Est-ce qu'elle te la suce ou bien est-ce qu'elle te l'aspire? Ou alors, est-ce qu'elle fait les deux? À sa sortie, en 1969, année érotique, Le roman choque toute l'Amérique. Il y a de quoi, c'est sûr. Entre-temps, la libération sexuelle a fait son travail, même si notre époque entretient avec la luxure des rapports ambigus, ne sachant jamais à quel sens se vouer entre promotion effrénée et condamnation puritaine. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo.